Au sujet de l'hospitalité, un habitant des îles s'exprime ainsi, de Maurice de Pharamond. Ma maison est comme un visage avec des yeux. L'aurore est sur le seuil assise à t'y sourire. Entre au-dedans de ma maison et sois joyeux. Étranger, si Neptune a brisé ton navire, mes fils nombreux, avec la hache et le marteau, feront saigner le bois amer de ce coteau. Et Lycémie à la chevelure marine, pour te verser de sa hanche un vin fleurissant, détournera le fils pendant à sa poitrine, et ce verger où chaque soir le ciel descend, afin que la beauté de l'épouse et sa grâce t'introduisent d'abord à l'orgueil de ma race. Inconnu de la mer, entre dans ma maison. Mes filles, dont chacune brille dans le nombre, réservèrent pour toi les fruits de la saison. Elles te ménageront la lumière et l'ombre, tandis que pour bâtir le plus beau des vaisseaux, les muscles de mes fils couleront en ruisseaux. Long sera le labeur, et ma maison heureuse, 20 visages iront au-devant de tes yeux. Et le miel sera doux, la treille ténébreuse, le lit toujours paré pour que tu sois joyeux. Et tu pourras t'enfuir sans payer de salaire. Mes filles ne seront pas lasses de te plaire. L'océan gémissant, leur froid sera le sein, et Lycémie aura ton fils à la mamelle. Et dès lors, ma maison, comme après un larcin, vacillera muette et morne, et moi comme elle. Qu'importe, entre dans ma maison, jeune inconnu. Nous te remercierons encore d'être venu.